Dans un système global de réincarnation des noms, un nouveau-né va obtenir un nom de quelqu'un qui est récemment décédé. Donc ce nom peut par exemple être féminin pour un petit garçon. Et donc ce garçon-là va être élevé comme une fille jusqu'à la puberté. On va respecter plutôt le sexe symbolique devant le sexe naturel. Qu'est-ce qui détermine ? Ça va être la famille, ça peut être le rêve, la mère qui rêve. Elle peut avoir rêvé d'une personne et ça, elle va interpréter ça en disant ben, « En fait, cette personne veut transmettre son nom, c'est une personne qui est décédée. » Ça peut être aussi des suggestions familiales. Le sexe du nom va donner le genre de l'enfant. Voilà, et donc à la puberté, alors en fait, je vais venir, il y a un autre cas de figure où l'enfant va changer de sexe. C'est par exemple lors d'un accouchement qui est long, qui est considéré comme long. On privilégie les naissances rapides, c'est plutôt positif, sauf quand la naissance est un peu longue, là on se dit, alors bon, c'est appuyé par des mythes, que le fœtus hésite et en fait change de sexe. C'est-à-dire qu'il décide de changer de sexe. Voilà, c'est un petit garçon qui naît, mais voilà, on va dire, bah, en fait c'est une fille, enfin c'était une fille depuis le début, mais elle a changé de sexe, c'est devenu un petit garçon. Et donc, ce sexe naturel a beaucoup moins d'influence que le sexe symbolique. On nomme ça le troisième sexe. Voilà, on pourrait l'appeler le troisième genre, en fait. C'est ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va bien distinguer entre le sexe naturel et le sexe symbolique. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a tout à fait une place pour eux. Ce ne sont pas des marginaux, on ne peut pas comparer ça à des homosexuels chez nous, maintenant ou il y a 30 ans. Ce ne sont pas des parias, ce sont des gens qui ont tout à fait leur place. La règle veut qu'à la puberté, on reprenne son sexe naturel. Donc là, c'est un moment un peu douloureux parce que bah, pour un petit garçon qui est élevé dans le monde des femmes, il doit remettre des vêtements de garçon, d'homme, réapprendre toutes les techniques de chasse, quitter le monde des femmes, etc., etc. Donc c'est un véritable voyage qui n'est pas facile à faire. Et d'ailleurs, ces gens-là, souvent, enfin la plupart, devenaient des chamans, puisque c'était des personnalités qui avaient traversé des frontières et que les chamans, une de leurs caractéristiques, est de traverser des frontières.